C'est l'histoire d'une famille ordinaire du Tchekar, mal aimée par ses voisins qui souhaiteraient leur départ. Une mère au foyer avec 8 enfants âgés chars, payant les loyers toujours avec un peu de retard. Marre d'avoir tous ses problèmes financiers, des soucis dans la tête qui ne font que l'angoisser. Elle passe ses journées à essayer de s'en sortir, mais les conneries de ses fils font que de la faire souffrir. Son fils de 16 piges qui néglige trop l'école, déconne avec ses potes, sèche même les heures de colle. Il fume en cachette, cigarette et pilon, vas-y jette le briquet avant de croiser le grand frelon. Dans la tête, t'as monté ton équipe de microbes. Vous croyez invincible, Zarma des cyborgs. Rien que tu dérobes tout ce qu'il te plaît. Tu veux grandir avant l'âge en faisant comme tes refrais. Cheer. Famille nombreuse, pas trop heureuse. Tu grandis chaque jour dans la décie. Caractère alimenté par la zermie. Famille nombreuse, ta vie se creuse. Des frères et sœurs dans le collimateur, ce qui engraine pour la mère des crises et des pleurs. Le daron, c'est lui le chef de la maison, qui peut s'énerver sans vraiment avoir de raison. Sur son canapé, va pas le déranger, surtout quand c'est l'heure pour lui de manger. Sa priorité, tu sais que c'est l'éducation, apprendre à ses fistons les bases de la religion. Les guider pour pas qu'il dérive. Le grand frère sur le côté lui fait que des esquives. Son casier judiciaire est déjà bien ouvert. Il passe ses journées à tenir le terre-terre. Je te l'ai déjà dit, son petit frère veut faire comme lui. Le grand frère ne veut pas, mais le petit il le suit. 6 piges d'écart, mais le même regard. Pas la même taille, mais la même façon. Chez Mar, y'a plus de couvre-feu, ça rentre tard dans la nuit. Grand frère connaît le danger et traîne avec les ennuis. Famille nombreuse, pas trop heureuse. Tu grandis chaque jour dans la décie. Caractère alimenté par la zermie. Famille nombreuse, ta vie se creuse. Des frères et sœurs dans le collimateur, ce qui engraine pour la mère des crises et des pleurs. Pour finir cette histoire, je vais te parler des deux sœurs. Il en reste 4 à décrire, mais bon, je crois que c'est pas l'heure. Y'en a une qui est plus dans la crime que dans le jean. Une qui étudie dans une fac de médecine. Une qui sort jamais sans son voile. Et l'autre qui se cache pour sortir presque à poil. Des sœurs vraiment différentes, dur d'avoir un terrain d'entente. Son frère entend des rumeurs et fait semblant de rien entendre. Dans la cité, rien qu'elle se fait discrète, mais devant les autres, rien qu'elle se la pète. Gratteuse de pépettes, elle veut apparaître, serrer le pote de son frère sans qu'il lui répète. Humiliant pour les parents, pour eux c'est pas toujours marrant de se porter garant à gérer de tels enfants. Famille nombreuse, elle s'en sort tant qu'elle peut, évacue les soucis pour essayer d'aller mieux. Famille nombreuse, pas trop heureuse. Tu grandis chaque jour dans la décie. Caractère alimenté par la zermie. Famille nombreuse, ta vie se creuse. Des frères et sœurs dans le collimateur, ce qui entraîne pour la mère des crises et des pleurs. Famille nombreuse, pas trop heureuse. Tu grandis chaque jour dans la décie. Caractère alimenté par la zermie. Famille nombreuse, ta vie se creuse. Des frères et sœurs dans le collimateur, ce qui engraine pour la mère des crises et des pleurs.